situation, ils sont pas dangereux. Ils font même pas peur. Un colis piégé, donc je les garde vécu. De base, bébé, j'aime pas perdre. Avec les Pouki et les Kintoki, c'est sûr que j'ai même pas de cœur. Bobaraba bombé, Typhoon. Non, non, j'ai même pas de gain, tu verras pas mes top line. Contre moi, t'as une dent comme Back Alive. J'ai déjà déplacé quelques montagnes pendant que toutes ces bitches passent du coq à l'âne. Si ton raclo t'a parlé de Wami, t'as sûrement dit que je rappais mieux que ses potes. Pour donner de la souffre à foison, elles attendent juste que tu pop, pop, concu, je la smoke. Les codes, je les brise, je suis charismatique, je baisse dans tous les outfits. Pussy asné, gars broke, je te fais jamais la bise. Je me jette à l'eau, je me noie pas dans la tise. Concu, je la smoke. Les codes, je les brise, je suis charismatique, je baisse dans tous les outfits. Pussy asné, gars broke, je te fais jamais la bise. Je me jette à l'eau, je me noie pas dans la tise. Un peu toxique dans l'ADN. Je te manipule comme un PN. Je sors dans la rue, on me dit CL. Je traîne avec Fatou et CM. Faut qu'il se tatoue mon blaze pour que je lui dise que je suis sereine. Tu mets des tuites visées dans ta TL, sachant qu'il y a ton que mets dans mes DM. Je suis pas rachète, je suis pas cheap. Toujours agent, je fume pas de shit. La réussite fait pas de bon ménage quand t'es antipathique. Une fois que t'as plus d'élastique, ils seront bien plus sympathiques. T'es pas le sang de la veine, donc je crois qu'on n'est pas compatible. Ton cul, je la smoke. Les codes, je les brise, je suis charismatique, je baisse dans tous les outfits. Pussy asné, gars broke, je te fais jamais la bise. Je me jette à l'eau, je me noie pas dans la tise. Concu, je la smoke. Les codes, je les brise, je suis charismatique, je baisse dans tous les outfits. Pussy asné, gars broke, je te fais jamais la bise. Je me jette à l'eau, je me noie pas dans la tise.